voilà certainement la plus belle personne que j'ai jamais rencontrée. Et notre cœur de galoper après elle, n'est-ce pas? Et que les rêves jamais pourraient être avortés par de telles réalités. Aime-toi une courtisane. Ce Schlemihl, cependant. Je ne suis pas Schlemihl. Prends-y garde, le diable a mené. Le fut-il, s'il me l'a fait aimer. Capitaine d'Apertutto, pour vous servir, mon cher Hoffmann. Vous me connaissez? Assurément. Et je n'ai qu'un désir, c'est de vous connaître davantage. Monsieur? Le bruit court déjà que vous êtes épris de notre célèbre Giulietta. Comment? Ne vous fâchez pas. Je ne suis que le plus vieux de ses amis. Permettez-moi d'espérer que je serai bientôt le vôtre. Je vous remercie, mais je n'ai que peu de jours à rester à Venise. Tu crois m'échapper? Je puis me fier aux beaux yeux de Giulietta. Il faut lui parler. Comment le capitaine d'Apertutto se fera-t-il annoncer aujourd'hui? Sera-ce toi qui me serviras, précieux diamant?